pôles déplacés cause de la glaciation, les spectacles offerts par les bouleversements, et les soulèvements se sont spontanément présentés aux explorateurs. L'ouverture de presque chaque grotte, l'examen de presque chaque mouvement orogénique, l'étude de presque chaque canon sous-marin, leur ont toujours montré les mêmes tableaux de violence et de carnage. Tous ces témoignages ont fortement influencé deux grandes doctrines du XIXe siècle, celle de l'uniformité et celle de l'évolution, la première édifiée sur la seconde. Un autre enseignement fondamental, la théorie des périodes glaciaires, les a suivis de peu. De plus en plus, on a imputé des faits géologiques au phénomène de glaciation, mais son mécanisme n'en est pas moins discuté. Les différentes écoles ont recherché l'origine des périodes glaciaires sur la Terre comme au ciel. Les thèses pour l'expliquer s'appuient sur l'astronomie, la géologie, la météorologie. Côté astronomie, certains ont dit que le Soleil émet plus ou moins de chaleur suivant un cycle indéterminé, concept qui a été repoussé, même si de temps en temps il rallie de nouveaux adeptes. D'autres pensent que les périodes glaciaires commencent si l'un des deux hémisphères se trouve en hiver quand le globe est à l'extrémité de son ellipse. Dans ce cas, l'hiver serait un peu plus long et un peu plus froid, mais l'été, quoique plus court, serait plus chaud. Et si la Terre suivait toujours son parcours actuel, les variations de température envisagées ne produiraient pas de glaciation généralisée. On a également avancé que l'orbite terrestre tantôt s'allonge tantôt se raccourcit. Quant aux géologues, certains ont supposé un changement d'activité des sources chaudes, d'autres pensent que le cours du Gulf Stream aurait pu changer, affirmant que si les deux Amériques étaient séparées et non reliées par l'isthme de Panama, une partie de ce courant s'écoulerait dans le Pacifique. L'inexactitude de ces deux hypothèses a été établie. D'ailleurs, l'examen paléontologique de la faune marine avoisinante montre que l'isthme existait bien avant le début de la première période glaciaire. Une théorie géologique différente, qui conserve quelques partisans, voit l'origine des périodes glaciaires dans la variation de l'altitude des continents, ce qui aurait influencé la direction des vents et des précipitations atmosphériques. Mais elle rencontre une nette opposition chez A.P. Coleman, professeur honoraire de géologie à l'Université de Toronto, qui fait autorité en la matière, si l'on considère la répartition des couches de glace qui couvraient, au Pléistocène, plus de 10 millions de Canaries en Amérique du Nord et 5 en Europe, il devient évident que toutes les terres du monde n'ont pas s'élevé simultanément. La théorie s'écroule d'elle-même. Il est certain que leur élévation au-delà de la limite des neiges Etmel entraînerait une glaciation locale, mais rien ne prouve que de vastes calottes glaciaires puissent se former de cette façon, et il est manifestement impossible qu'un refroidissement universel, comme celui du Pléistocène se produise ainsi. Parmi les conditions atmosphériques ayant pu le créer, on fit intervenir d'éventuelles fluctuations de gaz carbonique et de poussière météorique dans l'atmosphère. La raréfaction de l'anhydrite carbonique entraînerait une chute de température, mais des calculs ont démontré qu'elle aurait été insuffisante pour produire une glaciation importante. Cela aurait été possible si un nuage quelconque avait empêché les rayons solaires de réchauffer la Terre, mais encore faudrait-il expliquer la provenance d'un tel écran, son épaisseur et son étendue. On a avancé des dizaines de solutions pour résoudre le problème posé par les périodes glaciaires, et il n'est sans doute pas de question aussi ardemment discutée, non seulement par les géologues mais encore par les météorologues et les apologistes. Aucune de leurs propositions n'a cependant fait l'objet d'un accord unanime. Pour être acceptable, la théorie qui essayerait de prouver l'origine des périodes glaciaires devrait préciser pourquoi le phénomène n'a pas eu lieu en Sibérie nord-orientale, région la plus froide du globe, alors qu'il s'est produit sous des latitudes tempérées, en Inde, à Madagascar, et au Brésil équatorial. Aucun des axiomes énoncés ne rend compte de ces étrangetés. Les idées qui tablent sur l'existence de régions chaudes et de régions froides dans l'espace ou sur la variabilité de l'énergie solaire se prêtent particulièrement mal à expliquer l'extension de la glace au tertiaire. En définitive, le concept des aires glaciaires, considéré par la science comme un dogme irréfutable, et qui a servi de base à l'évolutionnisme, n'a toujours pas reçu d'explication. Déplacement des pôles. Les diverses théories pour expliquer la glaciation n'ayant pas été reconnues, il restait une hypothèse envisagée par quelques géologues dès le début de la controverse, le déplacement des pôles. S'ils avaient abandonné leur place initiale sous une impulsion quelconque, les îles Ancis, Boréales et Australes, se seraient centrées sur un autre point du globe. Le manteau de glace de l'ère tertiaire aurait pu être la calotte polaire d'une époque antérieure. Cela explique non seulement son origine, mais aussi le fait que sa position géographique ne coïncidait pas avec celle des cercles arctiques et antarctiques actuels. Pour comprendre aisément la raison des grands changements climatiques du passé et de la prédominance des températures élevées aux environs du pôle Nord, il faudrait admettre que l'axe de rotation de la Terre n'a pas toujours occupé la même position, mais qu'il peut en avoir changé à la suite de bouleversements géologiques. Par exemple une redistribution générale des continents et des mers. Pendant une grande partie du XIXe siècle, de nombreux scientifiques ont discuté de ce thème. Les astronomes et les mathématiciens demandèrent aux géologues ce qui aurait pu occasionner un déplacement des pôles. À leur avis, il ne pouvait s'agir que d'une nouvelle répartition des poids à la surface du globe. Pour résoudre la question, l'astronome anglais Sir George Beery imagina que la rotation de la Terre, sphéroïde parfaitement rigide, avait été dérangée par la soudaine érection d'une chaîne montagneuse sous des latitudes les plus favorables à la production d'un effet considérable. L'axe de rotation ne coïncidant plus avec celui du globe, il y aurait eu basculement. Dans ces conditions, l'axe dut vaciller à l'intérieur de la sphère terrestre, mais ne pouvait pas le faire indéfiniment. L'importance du phénomène eût été négligeable en supposant que l'accroissement d'altitude ait atteint le millième du renflement équatorial, ce qui me semble excessif. Le déplacement du pôle n'aurait pas dépassé 3 à 5 km, et, n'en déplaise aux astronomes, cela n'aurait pas entraîné les changements de climat que l'on désire expliquer. Sir George Darwin, mathématicien et astrophysicien, le fils réputé, poussa ses recherches plus loin. Il calcula que si un fond océanique situé à 4600 mètres de profondeur, s'élevait à 350 mètres au-dessus du niveau de la mer, se transformant ainsi en un continent d'une superficie égale à celle de l'Afrique, et que, simultanément, une masse identique s'enfonçait aux antipodes, il en résulterait un déplacement des pôles de l'ordre de 2 degrés. Enfin, il estima que si la Terre était plastique, le déplacement serait plus important. James Croll, climatologue écossais, écrivait « Un bouleversement d'une telle ampleur ne s'est probablement jamais produit sur notre planète. Pour donner lieu à une déviation de 3 degrés inch, qui n'aurait guère d'effet sensible sur le climat, il ne faudrait pas moins qu'une élévation d'un dixième de la superficie terrestre à une altitude de 3500 mètres. Si on élevait un continent 10 fois plus grand que l'Europe d'OTAN, cela ne ferait guère qu'amener Londres à la latitude d'Édimbourg, ou Édimbourg à la latitude Londres. Ceux qui veulent expliquer de cette façon, la glaciation de notre pays, ou l'absence de glace au pôle dans le passé sont bien téméraires. Nous savons parfaitement que depuis l'époque glaciaire, il ne s'est pas produit sur Terre de changement suffisant pour imposer au pôle une déviation de 10 km, et encore moins d'une douzaine de degrés. Le géologue J. Evans suggéra aux astronomes d'envisager une autre éventualité, supposant la Terre remplie de matière en fusion, il pensait qu'une modification de sa charge superficielle l'aurait forcé à changer de 20 degrés sa position par rapport à l'axe initial. Le physicien Sir William Thomson, plus connu sous le nom de Lord Kelvin, profita du débat pour répliquer que la Terre ne peut pas être une masse liquide simplement entourée d'une mince écorce de matière solide. À sa surface et à des milliers de mètres au-dessous, la rigidité de la Terre est certainement bien moindre que celle du fer, mais à de grandes profondeurs, cette rigidité doit être infiniment plus importante. Quel que soit son âge, nous devons être assurés que l'intérieur est solide, et nous devons absolument rejeter toute hypothèse selon laquelle elle serait constituée d'une pellicule de 30, 100, 500 ou 1000 km d'épaisseur reposant sur un fluide. Il démontra que, si notre planète était une masse sans consistance enfermée dans une mince enveloppe, celle-ci se déformerait si docilement sous l'attraction du Soleil et de la Lune, que l'eau des océans, épousant ces déformations, monterait ou descendrait avec elle et par conséquent, le phénomène de marée n'existerait pas. En bref, le sujet se réduit à ceci, l'hypothèse d'une croûte parfaitement rigide contenant du liquide ne répond pas aux lois géophysiques, et parce qu'elle suppose une matière absolument indéformable, elle est contraire à l'astronomie dynamique. Lord Kelvin admettait toutefois qu'un déplacement plus important des pôles serait possible si le globe possédait un noyau solide séparé de la croûte externe par un magma visqueux, mais il considérait que c'était peu probable, et dirigeait son argumentation contre l'hypothèse d'une Terre possédant un intérieur en fusion. George Darwin, partageant l'opinion de l'illustre physicien anglais, publia des calculs destinés à établir que la Terre ne pouvait pas avoir eu de noyau liquide, et que sa rigidité devait égaler au moins celle de l'acier. Les efforts pour expliquer l'origine du manteau glaciaire par le déplacement des pôles se réduisaient à néant devant les chiffres des mathématiciens. L'un d'eux exposa clairement sa façon de penser, si les géologues ont l'impression que nous manifestons de l'entêtement en refusant d'admettre la possibilité du déplacement de l'axe terrestre, c'est qu'ils ne s'imaginent pas ce que cela implique. Ils semblent ne pas tenir compte du volume considérable de la Terre et de sa dynamique. Quand un solide tourne rapidement sur lui-même, la position de son axe ne peut varier que sous une contrainte extérieure. Toute nouvelle répartition de ses masses internes n'influence pas l'inclinaison, mais seulement la vitesse du corps considéré. S'il se mettait à tourner autour d'un autre axe, toutes ses particules prendraient une direction différente. D'où viendrait l'impulsion susceptible d'opérer cette déviation, et d'obliger la Terre à se mouvoir dans un nouveau sens? Quelle en serait la cause? En la recherchant au sein même du globe, les géologues ont bâti une théorie tenant compte des modifications du relief terrestre, changement qui, selon les calculs des astronomes, aurait pu déplacer les pôles mais de façon infime, et en tout cas insuffisante pour expliquer la formation de l'immense calotte glaciaire du tertiaire. L'hypothèse qui semblait la meilleure au premier, fut rejetée par les seconds et par les physiciens qui ne pouvaient pas non plus présenter d'autres solutions satisfaisantes. Des observations ultérieures assignent au cercle de Lé ou de Champlé une période de 428 à 429 jours. Simon Newcomb, Astronomical Journal, 1891, XI. Confer. Newcomb, Monte HLY Notice, of the Royal Astronomical Society, 1892, Li, NDEG 35. 1846-1913 On constata par la suite que des mouvements de marée, inconnus de Lord Kelvin, se produisent dans l'écorce terrestre. Si minimes qu'ils soient, ils n'en prouvent pas moins que la Terre n'est pas parfaitement rigide. On constata aussi qu'elle est aussi animée d'un insensible mouvement d'oscillation. L'astronome américain Chandler démontra que cela indiquait une rupture d'équilibre. Simon Newcomb, éminent astronome et mathématicien américain, écrit dans son article « Sur la variation périodique de latitude », la remarquable découverte de Chandler, selon laquelle l'apparente variation des latitudes terrestres peut s'expliquer par une révolution de l'axe de rotation autour de l'axe géographique, est en tel désaccord avec les idées admises, que je crus tout d'abord devoir douter de son exactitude. Un nouvel examen lui permit toutefois de la justifier sur le plan théorique. La théorie montre en effet que l'axe de rotation tourne autour de celui de la sphère au cours d'une période de 306 jours et en sens direct, ouest, est, dans son étude intitulée « De la rotation terrestre sous l'influence des actions géologiques », 1889, l'astronome italien Schiaparelli démontra qu'en cas de déplacement, le pôle d'inertie, ou de la sphère, et le nouveau pôle de rotation, décriraient des cercles l'un autour de l'autre et que la Terre serait en déséquilibre. Notre planète évolue à présent dans ces conditions, et son pôle de rotation décrit en 304 jours, un petit cercle appelé cercle de Lé. Ce phénomène oscillatoire indique que les pôles se sont déplacés. Il importe maintenant de découvrir les forces qui les y ont obligés. Schiaparelli écrit, on ne peut encore établir de façon incontestable, à l'aide d'arguments astronomiques ou de mécanique céleste, la permanence des pôles géographiques en un point précis de la Terre. Aujourd'hui, leur stabilité semble indéniable, reste à prouver qu'il en a toujours été de même depuis le commencement des temps. Il pensait que l'accumulation progressive des effets résultant d'une série de mouvements orogéniques pouvait, à la longue, détruire l'équilibre de la Terre, à condition que celle-ci ne soit pas absolument rigide. Le fait que les pôles aient pu changer de place constitue un élément important pour la paléontologie, comme en ce qui concerne la répartition et le classement chronologique de certains organismes préhistoriques. Si cette probabilité devenait certitude, elle ouvrirait de nouveaux horizons pour l'étude des grandes révolutions tectoniques que la Terre a jadis subies. Il est impensable, par exemple, que l'équateur ait pu prendre la place d'un méridien, sans que ce soit manifesté dans certaines régions de forte tension horizontale, qui auraient ouvert de longues crevasses et provoqué ailleurs, par contre-coup, ces compressions telles qu'on les imagine de nos jours pour expliquer les plissements des couches et la formation des montagnes. Les contraintes exercées sur la sphéroïde terrestre à l'occasion d'un changement de position se manifesteraient selon Schiaparelli, par le dénivellement d'immenses superficies et l'extension des mers peu profondes, telles que la Baltique ou la mer du Nord. Il conclut, notre problème du côté astronomique et mathématique touche au fondement de la géologie et de la paléontologie, sa solution est liée aux événements les plus grandioses de l'histoire de la Terre. Ainsi, un éminent astronome se rangeait à l'avis des géologues après avoir étudié l'ensemble de la question. Néanmoins, il tenait un raisonnement circulaire, selon lui, les modifications géologiques obligeraient les pôles terrestres à changer de position et l'abandon de leurs places respectives entraînerait des modifications géologiques et climatiques. Un déplacement lent et graduel des pôles, ou une oscillation de l'axe expliquerait la position géographique de l'ancien manteau glaciaire, mais non les autres phénomènes observés, tels que son étendue et la soudaineté avec laquelle il envahit la majeure partie de la Terre. Agassiz ne le niait pas et, pour appuyer l'idée selon laquelle la glaciation s'était produite subitement, il cita Cuvier. Celui-ci mourut avant la théorie des périodes glaciaires, mais il avait compris que seul, un brusque changement de climat avait pu anéantir, puis congeler aussitôt après leur mort, les grands quadrupèdes sibériens, préservés de toute putréfaction depuis lors. C'est pourquoi, écrivit-il en anticipant de façon prophétique sur la controverse engagée voici plus d'un siècle et qui dure encore, toutes les hypothèses tenant compte d'un refroidissement graduel de la Terre ou d'une variation lente, soit de l'inclinaison, soit de la position de l'axe du globe, sont inadéquates. La dérive des continents, les transformations du relief, et les nouvelles répartitions des eaux étant incapables d'expliquer le déplacement des pôles, le problème retombe une fois de plus, dans le domaine de l'astronomie. Cependant, avant de chercher à savoir ce qui a pu déplacer l'axe terrestre dans le système solaire, il est nécessaire d'aborder une thèse qui préoccupa pendant plus de 30 ans les géologues, les climatologues et les évolutionnistes. Selon Alfred Wegener, ce ne sont pas les pôles qui se déplacent, mais les continents puisqu'ils flottent et passent tour à tour par les régions polaires. En août 1950, l'Association britannique pour l'avancement de la science consacra son congrès annuel à l'hypothèse de Wegener. Elle rassembla autant de partisans que d'adversaires, l'Assemblée passa au vote et il y eut ballotage. La décision appartenait au président. Il s'abstint. C'est donc grâce à son impartialité, ou à sa perplexité, que le principe de la dérive continentale près d'être rejeté, ne l'a pas été. Débattu depuis des années, il eut comme point de départ, la parfaite ressemblance des côtes brésiliennes et africaines. Cette similitude, ou plutôt cette complémentarité, ainsi que certains traits communs aux flores et aux faunes de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, suggérèrent aux météorologues allemands, l'idée qu'à une époque très ancienne, les deux pays étaient juxtaposés. Mais comme d'autres conformités animales et végétales, se rencontrent fréquemment ailleurs sur le globe, il supposa que toutes les terres formaient jadis un seul bloc, scindé par la suite en parcelles de tailles différentes, qui se seraient séparées les unes des autres. Les géophysiciens ne partageant pas ce point de vue, continuent à expliquer les affinités existant entre les plantes et les animaux d'habitat éloignés, par des ponts terrestres qui faisaient jadis communiquer les continents ou les reliaient aux filles. Pour expliquer leur glissement, on admit que la croûte terrestre continentale devait être radicalement différente de celle des fonds océaniques. Cette notion est fondée sur la doctrine vérifiée de l'isostasie, c'est-à-dire du flottement de l'écorce terrestre sur un magma plastique. On fit appel à une nouvelle terminologie, les masses terrestres de la croûte extérieure furent appelées siales, abréviation de silicium et aluminium, éléments qui prédominent dans le sol, et les roches du fond de l'océan Sima, de silicium et magnésium, car il y a de bonnes raisons de croire que les roches formant le fond de l'océan, plus basiques, contiennent une forte proportion de magnésie. Oxyde de magnésium. On pense également que le Sima supporte des continents et qu'il leur permet de glisser, grâce à sa plasticité. La théorie de la dérive des continents ne se limite pas à donner raison à la correspondance entre l'Amérique du Sud et l'Afrique, ou à certaines analogies entre les règnes animal et végétal, elle prétend expliquer en outre plusieurs phénomènes géologiques qui le méritent. 1. La cause des périodes glaciaires. 2. La répartition des gisements de charbon. 3. La formation des montagnes. D'après Eugenet, les sommets se sont élevés à l'aplomb du front des continents flottants, entraînés par la rotation terrestre, en rencontrant une résistance dans son glissement sur le sima élastique, le ciel aurait produit des bourrelets plus ou moins importants, par exemple, lorsque l'Amérique du Sud se sépara de l'Afrique, une élévation se serait formée sur le côté tourné vers le Pacifique, créant ainsi les Andes. S'il n'y a d'abord eu qu'un seul continent, il n'a pu y avoir qu'un seul océan. Toujours d'après Eugenet, c'était le Pacifique. Le fond de l'Atlantique, de formation plus récente, n'est vraisemblablement pas constitué de sima comme celui du Pacifique, mais de ciale en tension, disons qu'on manque encore de preuves suffisantes pour différencier la composition de leur fond. La présence de la calotte gelée, qui recouvrit pendant une période glaciaire des terres maintenant tropicales, s'explique si l'on suppose qu'elles firent jadis partie de l'Antarctique. Cependant leur superficie était qu'en les regroupant toutes autour du pôle sud, beaucoup d'entre elles, qui montrent des signes de glaciation, seraient encore trop éloignées des régions arctiques. La théorie exige que ces pays aient occupé successivement la position actuelle de l'Antarctique, chacun subissant à tour de rôle une période glaciaire. Les signes de glaciation en Afrique, en Inde, en Australie et en Amérique du Sud, seraient dus au passage de ces continents près du cercle polaire austral. Idem pour la glaciation qui a régné sur l'hémisphère boréal à une période beaucoup plus récente, et qui aurait résulté de la dérive des masses continentales nord-américaines et européennes jusqu'au voisinage du pôle Nord. En effet, celui-ci figure dans le Pacifique, dans l'archipel canadien arctique, au Groenland, au Spitzberg et sur les cartes montrant les répartitions des terres pendant le Pléistocène, ou âge glaciaire récent. Eugenet fait remonter la formation des gisements houillers nordiques de l'Alaska, et du Spitzberg à l'époque où ces pays, provenant de l'hémisphère sud, occupait encore des zones tropicales. Si une théorie était en mesure d'expliquer l'origine des montagnes, la cause des périodes glaciaires, les bassins houillers en question et certaines caractéristiques communes aux faunes et aux flores de continents séparés par des océans, on pourrait dire que la complémentarité apparente du contour des côtes brésiliennes et africaines constitue un élément valable pour résoudre d'importants problèmes géologiques et climatologiques. Pourtant, bien des points s'y opposent fortement. La faible différence existant entre les diverses tensions subies par la croûte terrestre constituerait selon Eugenet la force provoquant la dérive des continents. Mais l'astrophysicien Harold Jeffrey a calculé que sa puissance est 100 milliards de fois trop faible pour le résultat escompté. Il n'y a donc pas la moindre raison de penser que le glissement des continents sur la lithosphère soit possible. En admettant que cette force ait été suffisante, pourquoi certaines parties de l'Europe, de la Sibérie et de l'Amérique du Nord, se sont-elles détachées de la masse commune pour aller vers l'équateur, et pourquoi s'en retirèrent-elles ensuite? Cherchant une réponse, un scientifique sud-africain proposa une variante à la théorie de Eugenet, en imaginant une Terre dans laquelle l'amollissement périodique et variable des couches intermédiaires du manteau, dû à l'effet calorifique de la radioactivité, permettrait à l'écorce de se déplacer sur le noyau avec d'inévitables plissements. Quant aux montagnes, elles ne sont pas toutes disposées en longues chaînes parallèles aux littoraux. aucune preuve absolue n'est venue confirmer les prétendues successions de périodes glaciaires. En outre, comment expliquer les indices de glaciation dans le sud? On en a relevé en Patagonie, en Nouvelle-Zélande et ailleurs. Il est donc certain qu'une baisse brutale de température a touché toutes les parties du globe. Le charbon ne se rencontre pas seulement dans les régions arctiques mais aussi aux antipodes. Le continent antarctique a-t-il rejoint la place qu'il occupe en partant des tropiques? Dans l'affirmative, quelle force l'y aurait poussé? Si la théorie est exacte, le mouvement des continents devrait être actuellement mesurable. Pourtant, lorsque Wegener prétendit que le Groenland se déplaçait encore de nos jours, ni les observations ni les triangulations répétées n'ont appuyé ces dires. Il périt au cours d'une expédition au Groenland en 1930. Le principe selon lequel les structures des fonds océaniques et des continents sont totalement différentes est en contradiction avec un grand nombre de constatations, bien que la surface des terres ait été mieux explorée que les profondeurs marines. Cette différenciation chimique entre les roches des fonds océaniques ne résiste pas à l'examen de leurs fossiles. En sondant le fond des mers, les océanographes n'ont pas trouvé les épaisses couches sédimentaires qui devraient les tapisser, si effectivement les eaux les recouvraient depuis l'aube des temps. D'autre part, sur certains continents on a rencontré des sédiments épais de centaines, et même de milliers de mètres. En Amérique du Nord, en Europe et en Asie, non seulement de vastes étendues ont été submergées à plusieurs reprises, des sites particulièrement étudiés, comme le prouvent les gisements de gypse du bassin parisien, mais aussi les chaînes montagneuses les plus élevées et les plus imposantes comme les Alpes, les Andes, l'Himalaya. Puisque l'océan a jadis recouvert des superficies aussi importantes, à présent il peut aussi bien tenir la place précédemment occupée par des terres. Aujourd'hui, les masses continentales ne changent pas de latitude, la force physique pour les y obliger serait tout à fait insuffisante. Les gisements houillés de l'Antarctique et la glaciation récente des régions tempérées de l'hémisphère austral s'unissent pour infirmer la théorie de la dérive des continents. Nous avons montré que cette idée reposait sur des bases fragiles, il reste à examiner sur le plan théorique trois changements de position du globe ou de son écorce par rapport au Soleil, susceptibles de produire d'importantes variations climatiques. Ils intéressent la forme du trajet suivi par la Terre autour du Soleil, la direction astronomique de l'axe, la position de la croûte terrestre par rapport au noyau central et celle des pôles. Dans l'hypothèse du glissement de l'écorce, actuellement, la forme elliptique ne se modifie que très faiblement. Ce pourrait être une des séquelles de la perturbation subie par la Terre. Mais selon les lois édictées sur la stabilité du système planétaire par Laplace et Lagrange, le parcours orbital est en principe immuable, c'est pourquoi sa légère variation est considérée comme une oscillation ayant une période de très longue durée. L'obliquité de l'écliptique, angle formé par le plan de l'équateur avec celui de l'orbite terrestre, 23 degrés 30 minutes, détermine la succession des saisons, elle change actuellement de 0 degrés 47 minutes par an, mais les limites de sa variation sont difficiles à évaluer, et diffèrent d'ailleurs selon les mathématiciens. Draison situait ces variations entre 11 et 35 degrés, Laplace les estimait tout au plus à 7 degrés, avec une période dont le dernier maximum remonte à 2107 avant J.C., tandis que les calculs de Stockwell donnent moins de 3 degrés. Quelle que soit sa valeur numérique, cette variation pourrait résulter du dérèglement de la course terrestre, mais sa cause étant inconnue, on la considère comme une oscillation régulière. La Terre est soumise à la précession des équinoxes, due au mouvement conique de son axe. Cette précession entraîne le déplacement des saisons par rapport à la périhélie, point de l'orbite le plus rapproché du Soleil. Elle atteint 50 degrés 2 par an, le prolongement de l'axe terrestre décrit un cercle complet en 25 765 ans. Bien que ce phénomène ait été remarqué en 128 avant J.C. par Hipparch, l'imperfection des instruments avant le XVIe siècle n'avait pas permis de faire des observations assez exactes pour en déterminer la valeur précise. Newton a montré qu'il est produit par l'attraction du Soleil et de la Lune sur le renflement équatorial, mais cela ne dit pas pourquoi le plan de l'équateur s'est incliné par rapport à celui de la révolution terrestre pour atteindre l'angle de l'écliptique. Le mouvement conique effectué par l'axe du globe, évoquant celui d'une toupie bousculée après son lancement, pourrait provenir de la perturbation que la course terrestre a subie dans le passé. Enfin, nous avons déjà mentionné le phénomène du vacillement de l'axe terrestre, autrement dit le petit cercle, qu'il décrit autour du pôle géographique, ou, mieux encore, le déplacement du pôle qui entraîne de faibles variations de latitude. En 1864, James Crowell formula une théorie vite acceptée par Charles Darwin et d'autres scientifiques qui faisaient appel aux modifications orbitales et à la précession des équinoxes pour expliquer les variations climatiques. On y a renoncé depuis car elle exige l'alternance des périodes glaciaires sur les hémisphères nord et sud et que les faits s'y opposent. Plus récemment, M. Milankovitch a fait intervenir un troisième paramètre, l'obliquité de l'écliptique, pour remédier à certaines imperfections de l'hypothèse proposée par Crowell. Toutefois, à en croire les critiques, sa représentation graphique ne concorde absolument pas avec les dates géologiques et ces variables n'offrent pas de raison suffisamment valable pour expliquer les violents changements climatiques. En outre, il assigne une longueur arbitraire à l'oscillation de l'obliquité. Aussi peut-on se demander pourquoi il n'y a pas eu de glaciation pendant de longues périodes, si le processus se répète à des intervalles calculables. Une fois encore, le débat s'orientait vers un changement plus radical, le déplacement de la croûte terrestre par rapport à son noyau, NDT, ou asthénosphère. L'idée que l'écorce terrestre flotterait sur un magma en fusion fut exprimée la première fois vers 1850, quand Pratt constata que l'Himalaya n'exerce aucune attraction par gravité, que l'on est en droit d'attendre, il ne fait pas dévier un fil à plomb. Cela surprit l'astronomérie à un tel point que de prime abord, il ne voulut pas y croire. Puis, il soutint que la croûte, plus légère que le magma dessous, ne devait faire qu'une centaine de kilomètres d'épaisseur, et qu'il devait y avoir dessous des montagnes à l'envers immergées dans le magma plus lourd qu'elle, ce qui expliquerait l'absence d'attraction par gravité. Ceci devait donner naissance à la théorie de l'isostasie. Le géophysicien hollandais Wenning Meneses contribua largement à sa diffusion, comme à l'étude de ces anomalies. Il est curieux par exemple, que la gravité s'exerce plus intensément au-dessus des mers profondes, et constata dans la structure même de la croûte terrestre des indices de violentes catastrophes à l'échelle de la planète. Ce n'est donc pas pour les besoins de la climatologie que la dislocation des continents est acceptée à titre de postulat. En 1943, Meneses évalua les tensions créées par un changement de position de la croûte solide de la Terre par rapport à son axe de rotation. Pour cela, il supposa qu'elle avait partout la même épaisseur, et devait se comporter comme un corps élastique. En la faisant tourner, dit-il, de plus de 66 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, l'effet obtenu montre une corrélation remarquable avec la topographie générale du globe, et aussi avec ses principales lignes de cisaillement, comme celle de l'Atlantique, de l'océan Indien, du golfe d'Aden, de l'Afrique et du Pacifique. Si ce résultat n'est pas fortuit, et ce ne semble pas probable, nous pouvons admettre que l'écorce terrestre s'est, à un moment quelconque de son histoire, déplacée par rapport au pôle puis fractionnée en plusieurs blocs, dont les délimitations correspondent entre elles. Or, selon le principe de l'isostasie, la croûte n'a pas partout une épaisseur égale, ses protubérances sont noyées dans un magma très dense et très visqueux, même si son épaisseur n'est que de 100 km, son déplacement exigerait une force supérieure à celle que l'on peut attendre du système solaire ou de la Terre. L'idée d'une écorce terrestre changeant de position par rapport à l'axe du globe admet la validité de l'isostasie mais, bien que généralement acceptée, elle ne se prête guère à expliquer la propagation des ondes sismiques autour de la planète. Si la croûte terrestre a, non pas 100 km d'épaisseur, mais 30 fois plus, comme le pensent certains spécialistes, son glissement nécessiterait une énergie presque aussi grande que pour déplacer le globe entier, en inclinant son axe vers un nouveau point de la voûte céleste. Nous sommes fondés à conclure que la lithosphère s'est déplacée pendant les périodes glaciaires, et que ces mouvements ont été les causes directes des modifications subies par les climats au cours de ces périodes. Pauli, l'auteur de ces lignes, est un ardent propagateur de la thèse soutenue par l'astronome Eddington, dont il s'est servi pour son article intitulé The Borderland, of Geology and Astronomy. Pour lui, les périodes glaciaires ont été produites par le glissement de l'écorce terrestre sur ses bases, glissement qui aurait résulté de la friction des marées, ou de l'inégalité de l'attraction lunaire sur les différentes couches terrestres. Cette théorie renonce à chercher dans le tréfonds de la Terre, la force capable de déplacer l'écorce tout entière par rapport à son axe qui, en principe, ne devrait pas dévier. Pour entraîner la lithosphère, écorce, par-dessus le noyau, il faudrait une force moindre que celle requise pour incliner l'axe du globe dans une nouvelle direction, car l'écorce n'est qu'une portion de la masse totale, dont dépend le moment cinétique. Pour déplacer l'axe du noyau, il faudrait donc qu'aucune résistance n'intervienne. Or le renflement équatorial lui imposerait par endroits d'énormes tensions, et la puissance énergétique nécessaire ne semble pas exister dans les marées engendrées par la Lune. De plus, l'effet de friction qu'elles occasionnent agit sur la surface de la Terre d'est en ouest, son changement de direction ne dérangerait pas la position des latitudes par rapport au pôle, et ne peut avoir provoqué la glaciation. Eddington considéra le glissement de l'écorce vers le nord et le sud comme un fait établi. Pour l'expliquer, il affirma qu'elle avait dévié au cours de son lent déplacement est-ouest, en rencontrant un surcroît de frottement mais, comme nous venons de le voir, la friction des marées dues à la Lune pourrait difficilement permettre à l'écorce de franchir le renflement équatorial. Cette théorie n'est quantitativement pas plus valable que celle de la dérive des continents. Une force motrice plus puissante que la friction des marées, Eddington, que les différences de gravité à diverses latitudes, ou le jeûner, ou qu'une radioactivité intermittente de la Terre, du toit, aurait été nécessaire au déplacement de continents ou de toute la lithosphère. Ces idées s'écroulent comme celles de la dérive des pôles basée sur une nouvelle répartition des terres et des mers. Enfin, Lateski tente d'expliquer le déplacement de l'écorce par une augmentation asymétrique des calottes glaciaires est indéfendable, elle fait appel au même phénomène, à la fois comme cause et comme effet des périodes glaciaires. Nous avons entrepris ici ce rapide survol des idées, inadéquat dans l'ensemble, mais fondé sur le principe rationnel d'un changement de latitude ou de déviation de l'axe, afin de montrer qu'elles ont été rejetées par des géologues, climatologues et astronomes, parce qu'elles n'auraient pas résolu le problème de la répartition géographique des glaces polaires d'antan, un problème dont presque tous les spécialistes semblent étrangement se désintéresser. Selon le météorologue du service géologique de Grande-Bretagne, la seule façon d'expliquer les aires glaciaires, est de supposer que l'axe de rotation terrestre, n'a pas toujours été à la même placée. Puisqu'il est maintenant évident que la Terre, a connu de grands changements dans la répartition de ses pneus climatiques, et que l'un des plus importants, celui du permocarbonifère notamment, est dû au déplacement de la position initialement occupée par le pôle, il serait utile de poursuivre les recherches pour savoir, si la glaciation quaternaire, n'a pas eu une cause semblable. Il regrettait que les enquêtes antérieures n'aient pas permis d'expliquer la raison pour laquelle les différentes périodes glaciaires successives se sont reproduites suivant un rythme acyclique. C'est ce qui lui a fait dire, de toutes les hypothèses qui ont été avancées sur le sujet, aucune ne traite les faits de façon à inspirer confiance. Non seulement l'agent responsable a vraisemblablement été plus puissant que toutes les causes évoquées, mais en plus il s'est violemment manifesté plusieurs fois à des intervalles très irréguliers en développant une énergie titanesque. Et c'est ce que nous allons voir des prochains chapitres.